changé le fusil d'épaule. Dis-moi c'est quoi cette phrase. Gros t'as toujours le fusil. Bref j'ai dû cracher ma haine. De l'amour dans le drap. Je défends ma cause, celle de la Cosa Nostra. La finalité pour moi c'est pas de rouler en pièces. Il faut des rentes tous les mois j'encaisse. Faire du gros papier sans crier sur tous les toits. Je mettrai jamais de l'or dans mes lèvres. Toi je suis sur la route avec elle. On écoute la bohème. Même la crème bâtard il sait faire des poèmes. J'ai 45 dans la bête, les oiseaux sont dans le nid. Tu aurais fait trapper les vrestes, on l'a fait dans le lit. Les fantômes du passé m'attendent dans mon avenir. Aussi vrai que Jésus va revenir. Je connais ma vie, y'a de mes choses qui t'attirent. Tu m'aimes tellement que tu veux être là quand ça tire. Je suis sur Paname avec Omar. On écoute Pop Smoke. Envie de faire couler le sang, calibré sur mes apaches. Dans le garage y'a la calache. Aux épaules j'ai poussé de sang. Depuis petit j'ai vu des choses, c'est digne d'un cinéma. Que Dieu m'en soit témoin, j'ai pas besoin de mentir. J'suis pas Teddy Riner, mais j'ai toujours été un tigre. Dans la prison pour mineur, j'étais pas du côté victime. Il fallait manger à la baraque, sentir qu'il y avait pas de thune. En fait se venger, car l'État fait preuve d'ingratitude. Jamais se ranger, être marginal c'est dans nos habitudes. On rêve de nager dans le bonheur, dans la solitude. Fils de pute, viens pas froisser nos relations. On parle en crypté sur des applications. On a toujours des solutions, mais encore plus de problèmes. On se monte dessus, c'est nos résolutions. Faut des diamants sur la couronne qui est sur la tête de ma taronne. Ouais nous quand on prend la parole, bon on demande pas la permission. Ouvre la session, je pars en mission. Sors le whisky, sors la potion. Toi plus moi la solution. Ami de vente, j'ai pas de soumission. Suffit d'un regard pour y refroidir. On va se les faire avant de partir. Comme mon vosser écrit des trucs que mes vrolets ne peuvent pas dire. C'est un empire qu'on a bâti. C'est tous les faux qu'on a battu. Plus le temps pour la sympathie. Le regard noir quand y'a pas de cheat. Mon colonel c'est pas Fabien. Mon capitaine c'est pas magique. Certains me disent c'est pas logique. Moi je la réponse c'est de la magie. Décapoté, je suis dans la jeep. J'écoute les sons, j'suis avec la jeep. Ça me fait plaisir d'aller au Maldives. Ça me fait kiffer de croiser ma jeep. C'est le 9 Kater et Béval, tu nous connais, on fait les gros titres. On préfère canner d'une rafale que de crever d'une hépatite. Pas les couilles de ton réseau, nous c'est la fibre optique. Nous ne sommes pas de ces rappeurs qui montent leur chibre optique. Les poulets sont déjà rôtis, on braque nos aérotines. Le show les garanties, t'arrives en caisse sur parentine. Disque d'or et de platine, putain quelle bête de routine. J'ai la rime qui touche tout le monde, micro c'est de la chevrotine. On touche ta mère pour des broutilles, pour un regard on peut te boutir. Faut une guitare pour se dire au revoir et des bougies pour le jour J. On a grandi dans le banditisme, on n'en fait pas l'apologie. Ils veulent fumer nos racines, c'est pas bon pour l'écologie.